Chapitre 3. 2 mois plus tard, Frédéric, débarqué un matin rue Coq-Héron, songea immédiatement à faire sa grande visite. Le hasard l'avait servi. Le père Roque était venu lui apporter un rouleau de papier en le priant de les remettre lui-même chez M. d'Ambreuse. Et il accompagnait l'envoi d'un billet décacheté où il présentait son jeune compatriote. Madame Moreau parut surprise de cette démarche. Frédéric dissimula le plaisir qu'elle lui causait. M. d'Ambreuse s'appelait de son vrai nom le comte d'Ambreuse d'apostrophe. Mais, dès 1825, abandonnant peu à peu sa noblesse et son parti, il s'était tourné vers l'industrie. Et, l'oreille dans tous les bureaux, la main dans toutes les entreprises, à l'affût des bonnes occasions, subtil comme un grec et laborieux comme un auvergnat, il avait amassé une fortune que l'on disait considérable. De plus, il était officier de la Légion d'honneur, membre du Conseil général de l'Aube, député, pair de France, un de ses jours. Complaisant, du reste, il fatiguait le ministre par ses demandes continuelles de secours, de croix, de bureaux de tabac. Et, dans ses bouderies contre le pouvoir, il inclinait au centre-gauche. Sa femme, la jolie Madame d'Ambreuse, que citaient les journaux de mode, présidait les assemblées de charité. En cajolant les duchesses, elle apaisait les rancunes du noble faubourg et laissait croire que M. d'Ambreuse pouvait encore se repentir et rendre des services. Le jeune homme était troublé en allant chez eux. « J'aurais mieux fait de prendre mon habit. On m'invitera sans doute au bal pour la semaine prochaine. Que va-t-on me dire ?» L'aplomb lui revint en songeant que M. d'Ambreuse n'était qu'un bourgeois. Il sauta gaillardement de son cabriolet sur le trottoir de la rue d'Anjou.